Ok, on y va. Tout est connecté, les gars. On y va. Abderrahman. Merde. C'est pas moi. Abderrahman. Thank you very much. Merci beaucoup, Paris. Paris did it.